Chapitre 18e, l'inconnu masqué. Malgré l'heure avancée de la nuit, un grand attroupement s'était formé avenue de Suffren et avenue de la Motte-Piquet. Les voisins affolés, les curieux, les passants, les spectateurs des petits boui-boui des environs, les consommateurs des bars, des cafés, des brasseries d'alentour, quelques soldats rentrant au quartier étaient accourus. Un service d'ordre promptement établi maintenait tout ce monde sur les trottoirs opposés, refoulait la foule d'ailleurs docile pour permettre aux pompiers de leur faire leur service. D'en bas, on les voyait manœuvrer, ces admirables pompiers parisiens, courant, grimpant à la lueur des torches qu'ils tenaient. Ils parcouraient toute la maison des époux Mélidon pour constater les dégâts, s'assurer qu'aucun danger nouveau d'incendie ne couvait dans quelque coin. Les locataires de la maison réveillés en sursaut, ceux qui habitaient le premier étage, étaient descendus dans la rue, dans des tenues sommaires. Mme Zulma, à demi évanouie à cause de son asthme et de son cœur qui avait toujours été sensible, auquel il ne fallait pas de fortes secousses, recevait dans une maison voisine les secours nécessaires. Quant à M. Mélidon, en pantoufles, vêtu d'une robe de chambre à large brandebourg, coiffé d'un bonnet de nuit comme le général Bugeaud, de célèbre mémoire, il se tenait sur le pas de sa porte, ayant sous le bras sa vaillante épée d'adjudant au lit militaire. Il avait, comme tout le monde, été réveillé brusquement, mais lui, dont l'énorme corps enfermait une âme de héros qui sommeillait, avait cru à l'arrivée de l'ennemi et il s'était précipité sur son épée, prêt à défendre le territoire. La cause de cet émoi, ce qui révolutionnait ainsi le quartier généralement si paisible et mettait sens dessus-dessous cette demeure familiale et calme, c'était une violente explosion. Une explosion qui s'était produite dans l'atelier du photographe M. Grandel. Dès le premier moment de panique, on ne s'était pas rendu compte de ce que ce pouvait être. L'affolement, la terreur avaient fait faire les pires suppositions. On parlait, dans la foule, de bombes, d'anarchistes, de terroristes russes, d'attentats. Puis, les agents, prévenus, les pompiers qui avaient parcouru l'atelier où s'était produite l'explosion, calmèrent un peu les esprits, ramenèrent les choses à leur véritable situation. Et l'on sut enfin que c'était seulement un accident comme malheureusement il s'en produit parfois chez les photographes imprudents. C'était, disait-on, du magnésium qui avait fait explosion, creusant dans la toiture un grand trou et détruisant à peu près tout ce qui se trouvait dans l'atelier. Le feu s'y était mis et consumait les voiles, les tentures qui servaient aux photographes, soit à distribuer la lumière, soit à étouffer le jour. Les agents et les pompiers avaient eu vite raison de ce commencement d'incendie. Mais à cette destruction d'une partie du toit ne se bornaient pas les dégâts. Il y avait mort d'homme à déplorer. Et le photographe, M. Grandel, était, disait-on, la victime de son imprudence ou de la malchance. Son corps déchiqueté avait été projeté de tous côtés en morceaux méconnaissables dans l'atelier. Le commissaire de police, les agents, les pompiers, durent ramasser les débris informes, épouvantables, les mettre dans une caisse. Quand leur récolte sinistre fut achevée, pendant que les pompiers continuaient leur travail sur le toit, dans l'atelier, les agents descendirent cette caisse pleine de débris de chair et d'os, la mirent dans un fourgon et filèrent au grand trot dans la direction de la morgue, laissant derrière eux, après l'effroi et la terreur du premier moment, l'horreur dans la foule des curieux. Dans cette foule angoissée se trouvaient des hommes de Paulin Broquet et aussi des hommes de Zigomar. Devant eux passa le lugubre fourgon renfermant ses restes humains. Au jour, la foule accourut plus grande encore, plus curieuse, plus avide de savoir, et contente de goûter un peu à toute cette horreur. Pendant qu'autour de la maison des époux Mélidon, la foule sans cesse grossissante regardait anxieusement, et que les bien informés habituels qu'on trouve toujours en ces cas donnaient aux auditeurs crédules des détails précis sur un événement qu'ils ne connaissaient pas, racontaient, comme s'ils avaient été là quand il s'était produit, le drame dont ils ne savaient rien. Gabriel et Lamor se tenaient dans la villa de Neuilly, auprès du lit de leur chef Paulin Broquet. Le détective souriait à ses lieutenants, mais il était pâle et, malgré toute son énergie, ne parvenait pas à leur cacher combien il souffrait. Simon lui passait de temps en temps une serviette imbibée de vinaigre sur les tempes. Le docteur Robert Montreuil venait d'achever le pansement du bras gauche de Paulin Broquet. Il le posa le long du corps doucement sur les draps, puis passa de l'autre côté du lit et attira hors des couvertures le bras droit qu'il allait également panser. Comme tout à l'heure, le gauche, le bras droit apparut dépouillé, nu. Et les lieutenants ne purent, cette fois encore, retenir un cri d'effroi. Le bras aux muscles puissants qu'ils admiraient, où tous les nerfs, tous les tendons apparaissaient merveilleux de forme, de qualité, sous la peau claire et souple, n'était plus maintenant qu'une sorte de membre informe, au bout duquel pendait une main inerte, bleuie. Robert prit ce pauvre bras dans ses mains, le palpa, l'étudia, le passa en revue muscle par muscle, promena ses doigts habiles qui cherchaient si, sous les blessures apparentes des chairs meurtries horriblement, il n'y avait pas d'os brisé. « Eh bien, docteur ?» demanda Paulin Broquet. « Rien de cassé ?»« Non, heureusement. »« Bravo !» fit le détective. « Alors ça va bien ?» Il essaya de sourire à ceux qui l'entouraient, et qui maintenant, autant que lui dans son corps, souffraient moralement des plaies qu'il voyait. Robert fit prendre à Gabriel la main de Paulin Broquet pour qu'il tînt le bras étendu hors du lit. Dans un bassin que présentait l'amorce, avec une touffe de coton hydrophile, il puisait de la solution antiseptique qu'il faisait couler minutieusement sur les plaies. Puis, toujours aidé par l'amorce, qui possédait quelques notions assez avancées de médecine, il entreprit le bandage des bras. « C'est odieux, » murmura-t-il. « C'est une cruauté qui n'a pas de nom. Ces gens sont des sauvages. Ils sont la honte de la société. Ils ne méritent aucune pitié. » Gabriel et l'amorce avaient des larmes dans les yeux, et de la tête ils approuvaient le docteur. Le pansement terminé, Robert dit à Paulin Broquet « Voilà, mon cher ami, je vous ai pensé. Le ciel vous guérira maintenant. Merci, docteur. Pour le moment, nous n'avons plus rien à faire qu'à laisser agir le temps. Il vous faudra de la patience. Vous allez prendre de la potion que j'ai envoyée quérir et vous tâcherez de dormir le plus possible, voilà tout. » Quand un homme de la brigade que Gabriel avait expédié chez le pharmacien revint, Robert fit lui-même prendre au détective la potion calmante. Avec les lieutenants, il attendait que les effets du remède commençassent à se manifester, puis il se retira, laissant comme garde, avec ses instructions, un des lieutenants du détective. Cela se passait, nous l'avons dit, dans la matinée. Un autotaxi ordinaire était allé à l'hôpital quérir le docteur Robert. L'homme qui parla au docteur lui dit rapidement de quelle part et pourquoi il venait le chercher. C'était un agent de Paulin Broquet, un de ceux qui approchaient les chefs. Il s'était fait une tête de bon bourgeois et ne pouvait être reconnu si les espions le pistaient. Robert confia son service à un collègue et le suivit aussitôt. L'autotaxi était une voiture habituelle, mais le chauffeur était aussi un homme de Paulin Broquet. Il savait comment il devait manœuvrer pour dépister les espions à redouter toujours, tout en prenant le plus court chemin pour arriver à la villa de Neuilly, auprès du chef. Tout alla bien. Maintenant, le pansement établi, Robert, pendant que Paulin Broquet dormait, écoutait Gabriel qui le mettait rapidement au courant des événements de la nuit, lui apprenait tout ce qu'il savait du drame. Après lui avoir dit, à Robert, il savait qu'il pouvait se confier, comment la souricière avait été organisée pour prendre les zygomares dans leur repère chez Zulma, Gabriel ajouta « La maison des époux Mélidon est basse, petite. Nous devions l'envahir rapidement. » Mais nous ne pouvions le faire tous à la fois sans savoir si le coup valait la peine d'être tenté, si nous courions la chance de prendre enfin ce zygomare terrible. Le chef voulut aller lui-même voir d'abord. Il devait nous faire le signal en sifflant « Piouit !» À ce moment seulement, nous avions le droit d'accourir. C'était cependant très imprudent de sa part de se risquer seul dans ce repère, sans doute. Mais il semble que le danger grise Paulin Broquet, et l'aventure de la barbotière, pas plus que celle de chez Zulma, ne le guériront. D'ailleurs, cette fois, le péril était moins grand. Le chef devait seulement aller en reconnaissance. Nous savions où il était, nous étions sur le qui-vive, et nous pouvions accourir en quelques secondes à son secours, en cas d'alerte. La porte de la maison était ouverte, l'escalier libre, quelques marches à monter, et nous étions près de lui. Bien. Nous avons attendu assez longtemps, et vous devez penser avec quelle impatience, dans quelle angoisse, je m'en doute. Enfin, le sifflet « Piouit » retentit. Nous nous précipitons, et nous nous heurtons à Paulin Broquet dans l'escalier qui nous arrête et nous dit vivement « Descendez, descendez, l'atelier va sauter !» Oh ! Presque au même moment, l'explosion avait lieu. Inutile de vous décrire l'émoi, terreur des locataires, des gens du voisinage. Cela d'ailleurs nous favorisait, nous pouvions opérer à notre aise dans ce brouhaha. Alors Paulin Broquet me dit « Tu vas aller chez un boucher prendre de la viande, des os, des débris, et tu les porteras en secret dans l'atelier. Tu les ramasseras ensuite, et tu feras comme si c'était des débris humains. Puis tu me rejoindras à Neuilly. Il faut qu'on croie chez les aides que j'ai sauté, et dans le public que c'est le photographe qui s'est tué avec son magnésium. Et voilà, docteur. Nous n'en savons pas plus long. Paulin Broquet seul peut vous dire ce qui s'est passé avant cela. Quand il sera un peu plus valide, il nous renseignera. Ah, docteur, reprit Gabriel. J'ai oublié de vous dire que Paulin Broquet, en venant vers nous, était soutenu par un homme vêtu d'une sorte de long pantalon gris, d'un veston très ample comme un pyjama. Un de vos compagnons? Pas du tout. Nous ne le connaissons pas. D'ailleurs, il avait un loup sur la figure. Un homme masqué. Quand il nous vit arriver, il dit au chef « Adieu, héros. Adieu, merveilleux Paulin Broquet. » Il se sauva. « Et, docteur, ceci est encore plus étrange que le loup sur la figure. Cet inconnu, en se retournant pour fuir, fit choir la casquette qui couvrait sa tête. Et de cette casquette s'échappa une cascade de cheveux qui, à la lueur de la lampe de veille dans l'escalier, brilla comme une coulée de cuivre en fusion. » C'était une femme ? C'était une femme !